Selon une information, les bellicistes sud-coréens ont fait le 4 courant au littoral est les exercices de tir de missiles sol-sol de portée de plusieurs centaines de kilomètres et de missiles air-sol d'avions de combat F-15K vers les eaux internationales. Ils disent que ce sont des exercices visant à frapper nos installations nucléaires et envisagent de livrer avec des bombardiers stratégiques nucléaires américains des exercices de largage de bombes réelles et de tir de missiles air-sol.